Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaëtan Gossin explorent l'univers fascinant de l'art audio. The sound from the ice directly under my feet. Aiguisez vos oreilles, l'avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Les 28 et 29 mai, la Foire Écosphère vous invite à l'espace 400e. Pas moins de 40 conférences et une centaine d'exposants, touchant l'alimentation bio, la santé, la construction écologique et les voitures électriques. Voyez Alexandre Desilets en spectacle le samedi 28 mai. Tout est gratuit. Visitez foireécosphère.org pour notre santé et celle de la planète. Une collaboration de la Ville de Québec. Le jeudi 26 mai, en supplémentaire, l'Orchestre symphonique de Québec présente au Grand Théâtre de Québec son concert de fin de saison. Pour l'occasion, l'OSQ interprétera la 9e symphonie de Beethoven, une œuvre monumentale considérée comme l'une des plus grandes symphonies de tous les temps. Ce concert est présenté par la Maison Simons. Informations sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue à cette édition du 24 mai de l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. J'entiens la France au micro avec vous et je suis accompagnée de ma très chère co-animatrice Audrey Caro. Allô, Jean-Tienne. Ça va bien? Très bien, très bien. C'est la dernière. Et oui, déjà, ça a passé tellement vite. Dire que depuis septembre, on est là à toutes les semaines presque, avec oui. Une petite pause à Noël, mais c'est tout. Ça a passé vite et déjà, il faut clore la saison. Avec l'arrivée du beau temps. Oui, exactement. Enfin. Exact. On va pouvoir sortir du studio. Ben, on va manquer les journées un peu plus chaudes. On a les journées froides d'hiver en studio, mais sinon, les journées chaudes, on va pouvoir s'en passer. Oui. Alors, en première partie d'émission, on reçoit Andréane Gagnon. Bonsoir, Andréane. Bonsoir. Qui est déjà avec nous. Donc, Andréane est allée voir l'exposition d'Aristide Gagnon à la maison Amel Bruno pour nous. Ensuite, Audrey, tu nous glisses un mot à propos d'une pièce de théâtre à surveiller dans le cadre du Carrefour international de théâtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en deuxième partie d'émission, Audrey? Eh bien, on va pouvoir discuter avec Thierry Arcambossé et Olivier Dosserre, donc qui font partie tous les deux de l'exposition Canadian Bacon Dialogue 2, donc qui a lieu à la Galerie Lacerre. Donc, on va jaser avec eux un peu de cette expérience-là, de leur approche aussi comme artiste. Mais également, on va se garder un petit peu de temps à la fin de l'émission parce qu'on voulait, bien sûr, vous parler des événements parce que même si c'est un peu plus tranquille à Québec côté art visuel par l'été par rapport au centre d'artistes, toutes ces choses-là, eh bien, est-ce qu'il y a des événements incontournables à ne pas manquer cet été? Donc, on va en reparler plus tard à la fin de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook au www.laérospatialecKRL.wordpress.com. Et puis, important de dire aussi à nos auditeurs, Jean-Tienne, qu'on va, même pendant l'été, si vous voulez continuer à nous suivre sur notre page Facebook ou notre page web également aussi, on va continuer à alimenter un petit peu pour vous faire part d'événements ou ces choses-là. Oui, oui. Donc, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas important de le diffuser. Donc, oui, on va continuer à alimenter notre page Facebook. Voilà, il faut rester à l'affût. Oui, c'est important. On tient à vous. Alors, pour la sélection audio de Simon Roy cette semaine, il nous propose The Fucked Up Beat, donc qui est un projet sonore de New York, une collaboration entre Eddie Palmer et Brett Zehner. Donc, c'est des extraits de l'album Researches, Coast Waves and the Midnight Mysteries of Rhode Island, avec des titres tout aussi long que le titre de l'album. Donc, on part avec une pause audio, un extrait de It Came From Beneath Providence, Memories, Victory at the End of the World. Same as we are, 40 feet away under 20 feet of earth. Even if I could dig over to them, it wouldn't do any good. The fuel's almost gone. Oh, Ed, what are we going to do? I don't know. How much time do we have left? I don't know. One day, maybe two. Bonsoir, Andréane Gagnon. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Tu es allée visiter l'exposition. C'est une exposition rétrospective, je crois, sur le travail d'Aristide Gagnon. Est-ce que c'est ton grand-père? Non, on n'est pas dans la même famille. Ça aurait pu, mais non. excusez-moi la joke plate. Donc, c'est une exposition qui a cours en ce moment à la maison Amel Bruno à Sillery, sur le chemin Saint-Louis. Donc, Aristide Gagnon qui est peintre et fondeur, aussi maître fondeur, je crois. Exactement, oui. Ouais. Oui, en fait, Aristide Gagnon, l'exposition s'intitule L'harmonie des sphères. C'est présenté jusqu'au 29 mai, donc vous avez jusqu'à dimanche pour aller voir cette expo-là. En effet, c'est une rétrospective, en fait, qui traite des 60 ans de carrière de cet artiste-là qui est toujours en vie. Avant, en fait, de me lancer dans ce que j'ai vu dans l'expo, j'aimerais peut-être faire un retour sur peut-être un portrait d'artiste. Oui, pour parce parler. qu'on a peu entendu d'Aristide Gagnon dans nos vies en général. Exactement. C'est un peu intriguant. Oui, parce que quand on va voir l'exposition, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a été quand même une production prolifique. Il a fait beaucoup d'œuvres, cet artiste-là. Mm-hmm. Mais en effet, c'est pas un nom qu'on a autant entendu que d'autres. En effet. Donc, en fait, Aristide Gagnon a fréquenté l'École des beaux-arts de 52 à 56 environ. C'est quelqu'un qui s'est démarqué à la sortie de l'école, justement, parce qu'il a remporté pendant 3 années consécutives des prix quand même assez prestigieux. Donc, des prix nationaux, dont un prix en 58 qui était le concours de la province en peinture. Mmh. C'est le musée de Québec, à l'époque, qui avait fait l'acquisition de cette toile-là en 58. D'ailleurs, parenthèse, l'œuvre, elle est à l'exposition là-bas, à la Maison Amel Bruno. Donc, ça peut être intéressant de regarder cette toile-là. Donc, quelqu'un qui s'est démarqué quand même rapidement, à partir du moment où il a gagné ce concours-là, il y a des galeries justement du pays qui l'ont approché pour le représenter. Donc, il y a eu quand même diverses possibilités. Puis, c'est quelqu'un qui s'est adonné vraiment à différents modes d'expression artistique. Donc, mm-hmm. oui, c'est un peintre, c'est un sculpteur, mais il a fait aussi du verre, de l'émail, de la fonderie d'art, en effet, parce qu'il a coulé à la fois de l'aluminium et du bronze. Je pense qu'il a travaillé sur les vitraux de l'église Saint-Sacré. Ça se peut-tu? C'est possible. Oui. C'est possible. Il y a plein de choses, des fois, qu'on ne sait pas comme ça, mais c'est vraiment fort possible. Donc, c'est ça. Il a fait vraiment un éventail de choses. C'est quelqu'un qui s'est démarqué dans différentes disciplines comme ça. Ce qu'il a fait en carrière, il y a plusieurs choses, mais il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est les portraits de femmes. Il a fait des centaines de portraits de femmes. Il a fait aussi des toiles qui s'approchent très près de l'abstraction lyrique. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment fait des allers-retours entre figuration et abstraction. Des fois, des sujets qui sont vraiment à la limite entre les deux aussi. Donc, s'est adonné un peu à tout ça. Mm-hmm. Un peu plus tard en carrière, là, je saute des étapes assez rapidement, mais en 70, il a fait l'acquisition d'une fonderie d'or. Puis ça, c'est quelque chose d'important dans son parcours, parce qu'en fait, il a été reconnu comme un des pionniers du bronze au Québec. Donc, en 70, il achète justement la fonderie d'or. Il va couler des petits objets. Donc, au départ, c'est par curiosité. Ça devient vraiment un intérêt marqué. Mm-hmm. Donc, au départ, il fait vraiment des petites figurines. Finalement, il va faire également des sculptures monumentales. Donc, il va vraiment se laisser aller là-dedans. Puis, au cours de cet apprentissage-là, très autodidacte, finalement, il va vraiment développer un savoir-faire en lien avec le bronze. Puis, à partir de ce moment-là, il va devenir le grand-père du bronze. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a transmis tout son savoir à Gérard Bélanger, qui est à la tête de la fonderie d'or d'Inverness. Ah. Donc, c'est vraiment Aristide Gagnon qui a donné, en fait, ce savoir-là. Okay. Puis, au cours des 8 ans d'apprentissage, Gérard Bélanger a peaufiné son savoir puis s'est lancé ensuite dans ce projet-là de fonderie d'or. Donc, il a vraiment développé une expertise qui a transmis à cette tradition-là. C'est rendu une tradition, la fonderie, le travail du bronze à Inverness au Québec, là? Oui, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ceux qui sont en tête de ce... Oui, exactement, du coulage de bronze, entre autres. Donc, voilà, ça fait quand même un petit survol de sa carrière. En 90, il va faire des sphères de bronze, chose qui crée encore aujourd'hui. Puis, il va s'intéresser à ce moment-là à la sonorité des métaux. Donc, vraiment à l'aspect sonore. Oui, parce qu'il y a des cloches aussi dans l'exposition. Exactement. Donc, j'y viens. En fait, l'exposition, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Bon, il y a des toiles, bien sûr. On a des portraits de femmes, dessins, peintures, et aussi des abstractions. Des œuvres qui sont à mi-chemin entre les deux, qui s'intitule Les Poissons. C'est une série d'une dizaine d'œuvres qui sont vraiment à la limite entre la figuration et l'abstraction, comme je l'ai dit. Très, très colorées, des couleurs très saturées, ces poissons. Oui, vraiment. Puis, comme tu le mentionnais, il y a des sphères de bronze, mais il y a aussi des cloches qu'on peut actionner. En fait, on le demande à la dame là-bas, oui. Mais justement, elle peut nous faire entendre le son de ces métaux-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est vraiment un autre aspect, quelque chose justement qu'on n'oserait pas, qu'on penserait peut-être pas en voyant les objets en tant que tels. Donc, c'est intéressé vraiment aux objets d'art, à l'esthétisme autour de ça, mais aussi aux facteurs sonores. Des cloches, entre autres. Une autre chose qu'on voit en exposition, c'est un documentaire, donc un bref aperçu d'un documentaire réalisé par Richard Lavoie sur l'artiste, sur Aristide Gagnon. C'est un documentaire qui n'est pas encore terminé, mais c'est très intéressant parce qu'on voit l'artiste à l'œuvre, on le voit en train de couler des pièces, justement. On voit son atelier. Une espèce de bol de sable. Oui. Il travaille le sable, il coule les pièces ensuite. C'est assez intéressant de voir comment c'est... Parce que c'est un protocole, hein, ouais. C'est ça. T'sais, c'est très méthodique. Il y a un savoir faire derrière ça, puis des fois ça peut être intéressant de voir de quelle façon c'est fait, puis on le voit très bien dans ce documentaire-là, ou du moins l'enseignement qui est présenté. Puis, dernière chose aussi, une vue d'atelier dans l'exposition, une grande photographie qui nous présente l'atelier qui est dans Saint-Roch, en fait, d'Aristide Gagnon. Puis, on a aussi des objets à l'avant là qui sont présentés, des objets qu'il utilise pour ses coulées, etc. Si vous voulez voir l'exposition, je vous invite à y aller en fin de semaine. L'artiste va être sur place samedi. Ouais, parce qu'il y a une activité qui est prévue. C'est une activité de clôture où l'artiste va faire une murale de 16 pieds par 4 pieds, puis une dizaine de sphères à la manière de Aristide Gagnon, bien entendu, donc avec une autre artiste. Donc, si vous voulez y aller, Aristide Gagnon va être là pour vous présenter ses œuvres, parler de son travail également. Donc, jusqu'à dimanche. Oui, exactement, parfait. 29 mai. Donc, une exposition à voir à Sillery, Aristide Gagnon. Merci beaucoup, Andréane. Ça fait plaisir. On se voit l'année prochaine. Oui, certainement. Merci. Bonsoir. Bonsoir. toujours Jean-Tienne La France et Audrey Caro avec vous pour parler art visuel. Puis on déroge un peu de notre en fait, c'est pas qu'on déroge, c'est qu'on s'intéresse aux arts visuels dans d'autres sous toutes ses formes. Oui, sous toutes ses formes dans d'autres domaines artistiques. Audrey, tu nous parles un peu de la pièce de théâtre Les affinités électives qui va être présenté dans le cadre du Carrefour de théâtre international de théâtre de Québec. Oui, exactement. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est une le Carrefour va commencer ce jeudi, oui. Justement. Et puis la pièce commence jeudi, mais elle est présentée donc le 26, 27, 28, 29, mais aussi 1er au 5 juin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce où il y a un rapport aux arts visuels, bien sûr, mm-hmm. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Et c'est qu'en même temps, c'est une création exclusive qui est vraiment réalisée pour le Carrefour de théâtre, donc il ne sera pas représenté comme ça arrive parfois aussi à d'autres moments. Donc, on retrouve une pièce au Périscope, par exemple, ou ces choses-là. Donc, c'est la seule occasion de voir des représentations de cette pièce-là en particulier. Je pense que ça s'inspire d'un livre, c'est ça? À vrai dire, c'est un texte de David Admi, qui est en fait, était une commande là, 2005, okay, là, okay. Mais un texte. Mais effectivement, ça fait déjà depuis 2005. Et puis, ça a été, ça s'inspire. Bien sûr, oui, aussi, on faisait référence à Goethe, notamment. Oui, à Goethe. À Goethe. Excusez, j'en parle pas souvent. Mais bref, mais dans le fond, c'est une histoire assez intéressante. Moi, ça m'a accroché quand j'ai lu le descriptif, parce qu'au final, déjà là, ce n'est pas présenté dans une salle habituelle de théâtre, mais on est au domaine Cataraqui, oh. Donc dans Sillery. Donc, on mm-hmm. sort un peu du cadre habituel pour aller prendre le thé avec Madame Alice, donc qui est le personnage de la pièce. Finalement, c'est un monologue. Il va juste avoir un majordome qui va venir. Donc, les spectateurs prennent part à la pièce, c'est ça? Ben, sans prendre part à la pièce, on est reçu par Madame Alice dans son salon de thé, dans un mm-hmm. de ses salons de thé, et on va boire le thé et prendre des biscuits avec elle, notamment, ou des petites bouchées, bien sûr, dignes de cette heure du thé, oui. Bien sûr. Mais, dans le fond, c'est que cette dame-là vit avec un mari qui est très, très riche, et comme il arrive souvent, ces gens-là font du mécénat, donc elle est particulièrement attachée aux arts et elle va soutenir les arts. Et d'ailleurs, elle nous présente une pièce, une sculpture qu'elle a commandée à un artiste, justement, un sculpteur. Et elle vient tout juste d'en faire l'acquisition, mais cette pièce-là la trouble beaucoup. À vrai dire, ça la chicote, ça la dérange. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ça va être présenté, tout ça, dans la pièce aussi. Mais de là, ça va nous amener, justement, à poser des réflexions sur l'art, comment elle voit son rapport à l'art au musée, par exemple. On va jaser aussi de culture plus largement, mais tout ça, même de rapport amoureux avec son mari aussi. Mais il reste que tout ça va dérouter vers d'autres sujets comme la guerre, la démocratie, l'utilité de la torture pour maintenir cette démocratie-là aussi. Oh, okay. Donc, la question des droits de l'homme. Donc, c'est cette réflexion, les réflexions de cette femme-là qu'on va découvrir, mais qui, bien sûr, j'imagine, vont partir de cette œuvre d'art-là qui la trouble en quelque sorte. Donc, ça va être assez intéressant. C'est une pièce qui est pour la première fois présentée en primeur en français. Donc, elle a été traduite pour le Carrefour, mm-hmm. Parce qu'avant, elle avait été jouée en 2011 aux États-Unis et ça avait quand même fait vraiment une... Elle avait eu beaucoup de succès, remporté beaucoup de succès à New York notamment. Mm-hmm. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, je vous invite à me suivre parce que je vais faire un petit billet par la suite oui. Sur le site, là, comme l'émission va être terminée, mais je vais quand même vous faire un suivi de tout ça. Oui, on va partager ça sur le blog et puis on va vous donner des petites nouvelles sur Facebook. J'ai hâte de t'en entendre parler sur le blog. Oui, c'est assez intriguant. Puis, ben c'est ça justement de ce rapport de l'œuvre d'art qui a un potentiel de faire réfléchir à propos de choses qui sont extérieures à elle. Tu parlais de torture, donc c'est assez intriguant de voir bon c'est quoi le lien qui va se tisser entre la question de la torture et la sculpture qui la trouble tant. Exactement. Donc ou peut-être c'est un rapport aussi avec son mari qui est dans ce domaine-là parce que comme je disais c'est des gens qui sont très riches qui font partie de ce fameux 1% là qui possède plus de la moitié des richesses mondiales. Donc on va découvrir aussi toute cette culture privilégiée des élites également, mais comment finalement derrière tout ça aussi peut se cacher derrière des côtés plus raffinés, donc une nature peut-être plus sauvage ou indomptable, enfin à découvrir. Simplement dire que c'est le théâtre Niveau Parking qui produit cette pièce-là. C'est la mise en scène de Michel Nadeau et la comédienne Épaule Savard qui avait remporté le prix Paul Hébert en 2014. Donc, dit-on, dans une performance assez notable donc pour la pièce Mois d'août, Osage County, qui avait été présentée au Théâtre du Trident pour les habitués du théâtre. Mais enfin, à découvrir, j'ai bien hâte de vous en glisser un mot sur le blog. Super. Donc, on va partir en pause audio avec un extrait de Hypnotic Eye Induces Panic Near Greenwich, A Dark Ridge on Google Earth, toujours du groupe The Fucked Up Beat. Et on vous revient après la pause avec Olivier Dessert et Thierry Arcambossé pour nous parler de Dialogue 2. Alors, de retour à l'aérospatiale, nous avons Thierry Arcambossé en studio et Olivier Dessert au téléphone, je crois. Bonsoir, Olivier. Oui, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, bonsoir, Thierry. Allô? Toi, ça va? Oui, ça va très bien. Super, tout le monde va bien. Il fait beau, la vie est belle. Donc, les gars, on vous a invité pour parler de Canadian Bacon Dialogue 2. En fait, Canadian Bacon, qui est un collectif, si on veut. Et puis, il y a eu une première occurrence, Dialogue 1, l'an dernier, lors de la Nuit des Galeries. Je pense que c'est un local qui était sur la rue Saint-Paul. C'était pour un soir seulement. Vraiment une espèce de d'initiative de collaboration des artistes du collectif avec des artistes un peu plus âgés. Et puis, la deuxième édition de Dialogue court en ce moment à la Galerie Lacerte. Donc, c'est un peu avec le même principe, sauf que c'est pas nécessairement des artistes plus âgés parce que, bon, on a Thierry qui... Qui est encore tout jeune. Comment c'est âgé, hein? Quand même. Olivier Dessert, toi, tu as participé aux deux éditions, c'est ça? Oui, exact. C'est quoi les différences majeures que tu as trouvées entre la première et la deuxième édition de ce dialogue de Canadian Bacon proposé par Canadian Bacon? Principale différence, ben ouais, c'est ça, comme probablement la provenance là, des artistes, en fait. Là, c'est comme, c'est sûr que les artistes ont été choisis en fonction de leur pratique, puis pas de leur âge, comme on disait, ça avait pas vraiment été un critère, mais à ce moment-ci, ça leur a donné que c'était peut-être du monde un peu plus jeune, là, à part quelques exceptions. Puis, ouais, mais sinon, dans le fond, l'idée de base était pas mal la même. Puis c'est dans le choix des artistes que ça a vraiment été quand même différent là, cette fois-ci. Et puis, donc Thierry, toi, tu ne fais pas partie du collectif Canadian Bacon. Toi, tu es représenté par la Galerie Lacerte. Oui. Ça fait combien de temps que tu es représenté par la galerie? Ça fait à peu près une dizaine d'années, là, oui. Ouais. Et puis, tu as déjà eu des expositions... T'as déjà eu des expositions solo chez Lacerte, j'imagine? Oui, oui. Comment t'as abordé, mettons par rapport à une exposition solo, comment t'as abordé cette exposition-là qui est une exposition collective? Comment se faisait le processus de sélection des œuvres? Comment tu l'as... avec quelles lunettes t'as abordé l'exposition, mettons? Ouais. De quelle façon j'ai abordé ça? En fait, je pense qu'on était quand même très libre dans la production. Là. Je pense que c'était ça pour l'essentiel. Comme Olivier l'a dit, il y avait quand même des rapprochements entre les pratiques des artistes, mais c'était pas non plus une juxtaposition là, des œuvres. Oui, il y a une sorte de dialogue, mais c'était quand même pas... Les œuvres étaient pas mises directement en relation. Là. C'est sûr qu'on pouvait faire des rapprochements entre certains artistes, puis ça se faisait très bien, à mon avis. Mais j'ai pas fait une production ponctuelle pour cet événement-là, là, dans le fond. Donc, t'as pigé un peu dans ce que tu... dans ta production en cours, dans tes œuvres récentes. Oui. Puis, tu nous présentes quand même un travail récent, des petites pièces quand même, là, par rapport à ce qu'on peut... à ce que tu peux produire aussi... Normalement, oui. Oui, normalement. Oui, je fais souvent quand même du gros format, mais dans ce cas-ci, c'est des pièces, là, dans le fond, que je travaille depuis un an. Puis, je trouvais, quand même, pour répondre aussi encore à ta première question, c'est qu'avec Canadian Bacon, puisque, tu sais, on allait être quand même plusieurs, ça allait être une expo collective, puis quand même assez bigarrée. Moi, à ce moment, ma production est bigarrée. Je travaille sur plusieurs affaires. Ça butine, en fait. Puis, c'est ça. Fait que je savais que j'aurais pas beaucoup de place non plus, donc, rentrer des gros formats, je pense pas que c'était le moment ni le lieu à quelque part. Fait que j'ai décidé d'y aller pour des petits formats, puis aussi profiter de l'effet bigarré pour faire quand même un accrochage là, assez, éclectique, oui, puis tout croche, là. c'est un tout croche qu'on voit qu'il y a quand même du soin derrière tout croche, tout est calculé, la composition, avec les photographies d'Alexis aussi à côté, ça répond quand même bien, l'accrochage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté ensemble avec les commissaires? On en avait parlé en amont. Ça a donné comme ça? Oui et non. On en avait parlé en amont parce que Paul Brunet, qui organisait l'exposition, était venu à mon atelier. Puis déjà, moi, souvent, sur mon mur, il y a plein d'œuvres d'accrochés. Puis c'est ça. Déjà, je pense qu'il aimait ça. En fait, les œuvres étaient accrochées vraiment un peu n'importe comment. J'aime ça avoir, comme dans mon visuel, d'autres œuvres sur lesquelles je travaille. Puis c'est ça. Oui, c'est Alexis, c'est ça. Alexis Alexis avait accroché avant moi, mais on n'a pas fait l'accrochage en même temps. Moi, je l'ai fait après lui. Puis oui, je répondais directement

Au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Bernard Adamus, Bostian de Base, Port de Léon, Caltar Bateau, Chéri Chéri, Poirier, Martin Goyette, Pontex, Chris Munden Allen et plein d'autres. Keep my shit on track. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes. Errance rénaldienne les jeudis à minuit avec Rénal Gagné, l'autoroute les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delisle et Jacques Dulac, et Nuit tard les dimanches minuit avec James Temple. Les 28 et 29 mai, la Foire Écosphère vous invite à l'espace 400e. Pas moins de 40 conférences et une centaine d'exposants, touchant l'alimentation bio, la santé, la construction écologique et les voitures électriques. Voyez Alexandre Desilets en spectacle le samedi 28 mai. Tout est gratuit. Visitez foireécosphère.org pour notre santé et celle de la planète. Une collaboration de la Ville de Québec. S'offrir des vacances de rêve au Québec, c'est possible. Cet été, rendez-vous dans les parcs nationaux du réseau Parc Québec pour respirer le grand air, fouler des kilomètres de sentiers pédestres, naviguer sur l'eau, rouler à vélo et vous endormir à la belle étoile. Répartis aux quatre coins du Québec, ces destinations spectaculaires vous feront vivre de grandes aventures qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits comme aux grands. Réservez votre séjour dès maintenant à parcquebec.com. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Carrefour international de théâtre? À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle, Marie Gignac, la directrice artistique du Carrefour international de théâtre, relève le défi de présenter une partie de la programmation à des gens croisés au hasard dans un lieu public. Est-ce que c'est juste des spectacles comme québécois ou bien vraiment international? La moitié de la programmation vient de l'étranger. Intéressant, ça. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Ben quoi, la fille de qui? La fille de toi, ta fille, quoi? Ma fille, quoi? J'ai une fille, moi. On entame cette deuxième moitié de l'aérospatiale et on poursuit notre discussion avec Olivier Dessert et Thierry Arcambossé. Et ma prochaine question était pour Olivier qui est au bout du fil. Tu es toujours là, Olivier? Oui. Parfait. Alors, je voulais te demander, parce que c'est assez intéressant le travail que tu proposes. Autant tu as un pan de mur là, comme Thierry a destiné à toi, mais derrière le bureau de la galerie, dans le fond du bureau d'accueil, tu tu as des œuvres qui sont là accrochées avec Fernand Leduc. Et moi, j'ai trouvé le rapport entre vos deux travaux vraiment très intéressant. Et puis, je me demandais, toi, par rapport, parce que tu fais beaucoup dans l'abstraction géométrique, notamment qui nous fait peut-être penser aux plasticiens, par exemple, travail sur la forme, la couleur, bien, j'étais curieuse de voir comment, en rapport justement avec ces gens-là du passé, si on peut dire, ces artistes, comment toi, tu voyais ton travail? Ah ben vraiment, c'est sûr, on peut faire des correspondances qui sont surtout esthétiques, là, mm-hmm. puis qui sont vraies en fait. Simplement, c'est sûr que pour moi, dans le fond, je suis un peu aussi dans un peu comme Thierry disait tantôt, là, je travaille sur souvent plusieurs choses en même temps, donc souvent on me demande là, ben tu fais un truc dans ce genre-là, après ça un autre, comment tu passes d'un à l'autre? Puis c'est vraiment des trucs que je mène de front en même temps, là. Puis en fait, le rapport que je peux avoir avec ces trucs-là plus historiques, ben c'est ça, c'est vraiment un rapport esthétique, là, un rapport à la peinture, parce que je pense que leurs préoccupations, évidemment, étaient quand même pas mal différentes de celles qu'on peut avoir aujourd'hui quand on peint. C'est certain. Mais ouais, c'est ça. Fait que les raisons, tu sais, de pourquoi on fait le travail, puis dans quel esprit, ou tout ça, sont sûr que ça change tout le temps, mais ouais, il y a des préoccupations plastiques là, puis esthétiques qui sont quand même communes, ça, c'est certain. Oui, ben notamment, comme je disais, le travail de la couleur aussi chez toi est assez intéressant, parce qu'on voit des couleurs qui sont souvent assez saturées sur la toile, également aussi des couleurs qui sont très vives et colorées. C'est parce que, justement, tu aimes explorer ça, ou comment, c'est quoi ton approche, par exemple, de la couleur? Ah, mon Dieu, c'est assez intuitif, je dirais, là. C'est pas quelque chose auquel... Ben, en fait, j'ai réfléchi sur le moment quand je suis dans l'atelier, là, mais c'est pas... Je planifie pas vraiment à l'avance, là, puis y a pas des décisions qui sont prises par rapport à ça, qui sont vraiment réfléchies très, très longtemps, là, d'avance, là, donc c'est vraiment... Mais oui, c'est sûr, les couleurs saturées, tout ça, je suis souvent là-dedans, puis là, à savoir pourquoi, c'est vraiment une question de... En fait, c'est à force de peindre là, qu'on finit par d'aller d'une chose à l'autre. Puis, évidemment, quand j'ai commencé, je faisais pas des choses qui étaient nécessairement dans ce genre-là. Fait que c'est vraiment en travaillant, là, à un moment donné, on a plus envie de travailler la couleur, des fois plus la forme ou les deux ou peu importe. Mais chaque moment, si on veut un peu, j'ai un peu des préoccupations différentes à chaque moment. Là, fait que, mm-hmm. Parfait. Et puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, à la fois, toi, tu as une approche, justement, peut-être plus de l'abstraction géométrique, et toi, Thierry, tu es beaucoup dans l'image, beaucoup un glaneur d'image, mais il y a quand même une œuvre, moi, qui a vraiment, je connais ton travail depuis longtemps, mais qui a attiré mon regard, et puis qui, je trouve, il y a quand même un petit rapport avec Olivier là-dessus, c'est cette œuvre Écran de veille qui est au centre, parce que tout partout autour, on a des œuvres très figuratives. Et puis là, pouf, on tombe avec de la couleur. Finalement, j'imagine que c'est un gros plan d'un écran de veille d'ordinateur, probablement. Oui, tout à fait. En fait, oui, ben c'est carrément ça. C'est l'écran de veille de mon ordinateur. C'est peut-être même les vieux écrans de veille qui proposaient il y a 20 ans, je sais mm-hmm. pas. C'est un écran de veille sur mon ordi qui est vraiment seulement comme des dégradés de couleurs qui sont en mouvance. Puis je me suis emparé de ça, en fait, parce que ces temps-ci, je travaille beaucoup quand même avec l'ordinateur dans mon travail. Ben, ça fait en fait des années que je travaille avec l'ordinateur, mais je me rends compte, tu sais, qui influence de plus en plus ma pratique, mm-hmm. puis qui influence la pratique de l'art en général quand même. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas recours à un ordinateur pour son travail. En fait, qui ne va pas à tout le moins chercher des images sur Internet mm-hmm. ou qui ne va pas faire des recherches sur des artistes via Internet. Mais moi, je pense que ça en est rendu en fait une question. Puis c'est quand même tout récent. Puis de plus en plus, en fait, j'intègre ce que l'ordinateur nous propose, Internet. Les images que l'ordinateur nous propose. En fait, aussi, récemment, j'ai puisé dans Google Street View puis dans Google Earth mm-hmm. pour aller chercher comme traité, en fait, de paysage. Olivier faisait des rapports avec l'histoire de l'art puis l'histoire de la peinture tout à l'heure. Puis moi aussi, j'en fais de plus en plus dans mon travail. En fait, je fais aussi, via les images que je vais chercher sur l'ordinateur, je fais des rapprochements avec l'histoire de l'art puis une peinture qui s'est faite à une certaine époque. Entre autres, moi aussi, les plasticiens m'intéressent beaucoup. Mm-hmm. Puis j'ai même un paysage, en fait, qui est inspiré de ce que Google Earth offre. Puis carrément, ça, pour moi, c'est un lien direct. Cette œuvre-là, en fait, c'est un paysage mm-hmm. qui se rapporte comme à l'histoire de l'art, même à la raison d'être, à quelque part, des premières images. On traitait de paysage. Mm-hmm. Puis aussi, ça fait référence au travail des plasticiens parce qu'on a là-dedans des formes géométriques, vraiment. Exact. Puis qui viennent directement là, du travail des plasticiens. En fait, j'aime faire ces liens-là dans mon travail. Puis bon, pour en revenir à l'écran de veille aussi, pour moi, c'est un peu le niveau zéro, en fait, de la peinture. Puis c'est, c'est seulement un dégradé de couleur, mais en même temps, pour moi... Oui, c'est tout aussi intéressant. C'est comme ce que Olivier propose aussi, c'est s'intéresser à la base même de la peinture, à ses couleurs, à sa surface, aux formes aussi du tableau, par exemple. Là. Oui. Je pense à Olivier qui a des tableaux très, très minces, là, tout effilé à la verticale. Donc, c'est ça aussi, les tableaux épais, oui. Donc, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est ça la base aussi. On l'oublie des fois, c'est quoi une peinture? C'est pas juste un paysage, mais avant d'être un paysage, ben c'est des formes, c'est des couleurs qui sont amalgamées ensemble. Oui, c'est ça. Exact. Oui, puis dans le cas du fond d'écran aussi, ben, l'écran de veille, en fait, c'est ça, c'est que ça vient aussi d'une peinture abstraite pour moi, mais ça vient aussi un peu d'une réflexion même, disons, une position par rapport à ce qu'est l'ordinateur aussi dans nos vies. Pour moi, il y a comme une forme d'aliénation qui provient aussi, qui accompagne toute cette technologie-là. C'est comme, à un moment donné, quel paysage qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde réellement aujourd'hui? On est tellement bombardé d'images. Fait que j'aimais aussi faire un tableau qui est un écran de veille en fait, mais qui est plus un écran de veille en mouvement. Là. C'est vraiment comme un paysage en quelque sorte chromatique, mais qui ne bouge pas comme un écran de veille, comme les ordinateurs le font. Fait que j'aimais bien aussi ce temps un peu d'arrêt, une sorte de temps au point mort, en fait. Parfait. Et puis, ben, dans le fond, c'est déjà presque tout pour l'entrevue, mais ce que je veux dire à vous deux aussi, ce que j'ai trouvé intéressant de cette exposition-là, c'est que finalement, oui, des fois, on nous proposait des dialogues ou du moins des duos ensemble, mais je pense que avec finalement tout le monde un peu, il y a des références avec d'autres artistes qui se font, des références croisées aussi, puis je pense que c'est ce qui est peut-être intéressant de cette proposition-là de Canadian Bacon. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Olivier et Thierry? Oui, quand même, oui. Exact. Ouais, oui, moi aussi. Exact. Bon. Ben, enfin, c'est présenté chez Lacerte, bien sûr, la Galerie Lacerte, jusqu'au 5 juin. On vous invite, bien sûr, à passer d'ici là, voir tout ça. Alors, Olivier, merci beaucoup de ta participation, même à distance. Oui, ben, ça fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors, on part en pause audio avec un extrait de Terminal Mantis Invaders Warwick Drag Empire Along Your Desire. The dream of falling tends to indicate that the patient has some kind of fear. Yeah. Alors, pour ce dernier segment de l'émission L'Aérospatiale, pour cette dernière édition de l'émission de la saison, on a pensé, Audrey et moi, vous parler, chers auditeurs, chères auditrices, des différents événements qui vont avoir lieu dans le domaine des arts visuels à Québec au cours de l'été, mais un peu autour de Québec, parce qu'on aime ça sortir sort de la ville. Aussi, hein? Oui, l'été. L'été, on sort. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce... Alors, on commence par la nuit blanche qui a lieu, à vrai dire, le 3 et... dans la nuit du 3 au 4 juin, donc à Méduse, il faut juste rappeler que c'est... C'est une première édition. Une première édition, oui, mais c'est un peu spécial parce que c'est en rapport avec un événement, donc, qui est le sommet des arts médiatiques, donc un grand sommet pan-canadien qui est présenté par la bande vidéo, notamment, et l'Alliance des arts médiatiques. Et dans le fond, c'est un grand événement. Et en clôture de tout ça, il y a la Nuit blanche. Donc, c'est des gens, les centres d'artistes de Méduse qui ont des espaces d'exposition qui vont ouvrir de le 3 juin au soir de 20h à 2h du matin. Donc, autant pour ceux qui participent au sommet, mais aussi pour le grand public. Donc, tout le monde est invité à venir voir les expositions qui sont là. Il y a des choses spécialement présentées pour l'occasion, donc notamment chez Avatar, à la Manif d'art aussi. Et chaque centre va avoir une petite présentation, une petite surprise, aussi une petite action qui va se passer durant la soirée. Donc, ça vaut la peine de se présenter. C'est gratuit aussi. On va pouvoir prendre un verre. Même, il va y avoir un petit parcours gourmand qui va être présenté. Alors, ça vaut la peine. Donc, de 20h à 2h du matin, le 3 juin prochain, une nuit blanche à Méduse. Très intéressant, très, très intéressant. On a hâte de voir ça. Également, je ne sais pas si vous le savez, mais le Musée national des beaux-arts du Québec est fermé à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que ça a fermé hier, là, oui, lundi. Oui, là, donc à partir d'hier jusqu'au 23 juin, ce pour préparer l'inauguration officielle du pavillon Pierre Lassonde, dont on vous a parlé un peu plus amplement tôt dans la saison. Oui, le 24, 25 et 26 juin, ça va être 3 journées de fête pour l'ouverture du pavillon. Donc, ça va être des journées gratuites. On va avoir accès gratuitement aux différents événements. Et puis, il va y avoir donc le 24 juin en avant-midi la folle foire avec donc des prestations artistiques théâtral avec les commerçants également. Donc, c'est mis en scène par Alexandre Fecteau. Ça va avoir lieu sur Cartier et Grande Allée. Également, en soirée, ça va être la fête avec un 5 à 7 en musique et en lumière. Et ça va se terminer avec une soirée festive de musique électronique. Et les 25, 26 juin, donc il va y avoir beaucoup d'activités, performances musicales, ateliers création. En tout cas, on vous invite à aller vous informer sur le site du Musée national des beaux-arts du Québec pour savoir qu'est-ce qui se trame pendant le prochain mois et qu'est-ce qu'on nous prépare. Également, chez Avatar, du 1er au 10 juin, il va y avoir une installation d'Émile Morin dans le studio d'Avatar, donc une installation qui s'intitule « Drone, la feinte de l'Avatar ». Et le 6 juin, qu'est-ce qui se passe, Audrey, le 6 juin? Oui, bien sûr, il y a une... on vous en avait aussi glissé un mot, il y a la consultation publique pour le renouvellement de la politique culturelle du ministère de la Culture. Exactement, ça faisait 20 ans là que ça n'avait pas été remis à jour et on invite à la fois artistes, gens du milieu professionnel, mais aussi gens du public à faire des suggestions donc pour le renouvellement de cette politique. Je sais que notamment le CERF des collectionneurs d'art actuel a proposé un crédit pour l'achat d'œuvres d'art, mais qui se soit ouvert aux individus aussi, parce que c'est quand même un bel incitatif pour les gens si on peut avoir un crédit d'impôt, par exemple, en retour de l'achat d'une œuvre d'art. Donc, normalement, si ce n'est pas annulé, parce qu'il y a plusieurs consultations qui ont été reportées avant, mais ça aurait lieu à Québec le 6 juin à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone. Donc, c'est ouvert à tous. Mais également, vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous déplacer cette journée-là, répondre aux questionnaires en ligne et aussi déposer un mémoire, donc sans prise de parole, bien sûr, là, mais vous pouvez déposer un mémoire jusqu'au 26 août également. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre la main à la pâte, là, d'aller répondre à cet appel-là, justement, pour avoir une politique culturelle plus éclairée, si on peut dire. Oui, c'est important de prendre la parole. Également, au cours de l'été, il va y avoir Passage insolite 2016, donc c'est encore ex-muro, cette année qui présente des artistes qui vont investir, si on veut, le Vieux-Québec, Basse-Ville. Donc les informations vont venir un peu plus tard, mais normalement, là, c'est au début du mois de juillet que les passages insolites débutent. Également, à regard, il va y avoir Jeffrey Poirier, un tout jeune artiste de Québec, qui va offrir une espèce de résidence en galerie. Donc, du 1er au 15 juillet, il va commencer à monter son exposition, produire son exposition. Et le 15 juillet, ça va être le vernissage et l'exposition va se poursuivre jusqu'au 29 août. Si on sort un peu de la ville... Oui, bien, il y a à Montréal une biennale, à vrai dire, qui va débuter sous peu. À vrai dire, c'est la Biennale internationale d'art numérique. Donc, pour ceux qui sont férus d'art qui n'est pas nécessairement visuel, mais d'art technologique, eh bien, c'est vraiment rendu un incontournable, là, une troisième édition déjà, du 3 juin au 3 juillet. C'est sous le thème de Automata, donc l'art qui est fait par les machines, pour les machines. Mm-hmm. Et dans le fond, on cherche à s'interroger sur l'incidence du développement de l'intelligence artificielle dans l'art et la culture. C'est d'actualité. Très d'actualité et assez intéressant. Donc, il va y avoir une exposition à l'Arsenal, donc à Montréal, donc Arsenal Art Contemporain. Et en même temps aussi, au tout début, donc du 1er au 5 juin, aura lieu le festival Electra aussi, qui est en lien, si on peut dire, avec ces préoccupations-là, bien sûr, l'art et l'art numérique. Et c'est un festival, donc, qui a cours là, dans différents lieux, dont la Société des arts technologiques, l'Arsenal également aussi. On peut combiner, donc, notre visite de l'exposition avec... il y a des passes là, de quelques jours aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et peut-être souligner que à la Biennale donc d'art numérique, à la Bienne, il y a des artistes de Québec qui participent, notamment Camille Bernard-Gravel, Catherine Béchard, aussi François Quévillon, qu'on avait parlé durant le mois multi aussi, et plusieurs autres, parce que c'est Natalia Petkova également aussi, mais donc des artistes à la fois du Québec, du Canada, mais de l'international. Donc vraiment un événement à ne pas manquer à Montréal. Un beau lieu d'échange. Du 3 juin au 3 juillet. Et sinon, toujours au mois de juin, il y a la Biennale nationale de sculpture contemporaine, donc qui en est à sa 7e édition et qui nous fait découvrir encore une fois aussi d'autres artistes de Québec, mais bien sûr de Toronto, Saskatchewan, Trois-Rivières, du Saguenay. On pense notamment à Paryse Martin de Québec, une figure bien connue, mais également aussi on pense à Mathieu Vallade qu'on a vu dernièrement à la Galerie 3 ou bien même Catherine Bolduc, aussi une artiste de Montréal, ou Karine Giboulot, qui avait été au musée de la civilisation, on en avait parlé ici à l'émission. On en avait parlé, exactement. Donc, une biennale qui s'intitule « Le meilleur des mondes », donc à découvrir, bien sûr, sur des sujets, encore une fois, très actuels. Donc, c'est du 23 juin au 9 septembre. Et sinon, un petit mot pour dire qu'il y a la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli du 21 au 24 juillet, et on jumelle, à vrai dire, là, on a des artistes à la fois du Grand Nord et des artistes locaux du Québec. Ben, je veux dire, des artistes, c'est ça. Du sud du Québec. Du sud du Québec, donc, rencontre nord-sud, en quelque sorte. Et Jean-Pierre Morin, là, un autre sculpteur de Québec, y participe. Et sinon, ben, bien sûr, l'incontournable. Le dernier, mais non le moindre. C'est le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Beaucoup d'artistes de Québec cette année. Exactement. Donc, encore une fois, Camille Bernard-Gravel, qui sera partout cet été. Évelyne Boulevard. et Samuel Le Breton également aussi, dont on a parlé en tout début d'année, oui, là, avec son exposition à la bande vidéo. Mais on a des figures qui ont passé par Québec, Frédéric Cordier, on pense aussi à Guillaume Adjutor-Provost également aussi. Oui. Donc, plusieurs artistes à découvrir, mais sur place, c'est ça qui est le fun avec le symposium, c'est que c'est un mois, mais un mois de création sur place où les gens sont invités à rencontrer les artistes au moment de la création, à discuter avec eux de leur travail. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un détour par Baie-Saint-Paul du 29 juillet au 28 août prochain. Puis c'est tellement une belle petite ville en plus, Baie-Saint-Paul. Oui, ça vaut vraiment la peine. C'est à tout juste 1h15 de Québec. Là, fait que c'est très, très vite à se rendre là-bas. Et puis, pour plus près de nous, les événements de la semaine, jeudi, il va y avoir à la Chambre Blanche, dès 17h, une présentation du travail de résidence de Delphine Hébert. C'est également cette semaine que débute le parcours où tu vas quand tu dors en marchant, présenté dans le cadre du Carrefour international de théâtre de Québec. Donc, on parlait la semaine dernière de la proposition de Doyon Rivet. Donc, c'est présenté du jeudi au samedi pour les trois prochaines semaines. Exact. Également, vendredi, pour un soir seulement, il va y avoir une exposition intitulée Babylisme, présentée aux ateliers du réacteur. Donc, Mathilde Leveau, Nicolas Maisonneuve et Lauriane Thibaudeau vont présenter leur production récente. C'est au 731 rue de Saint-Vallier-Est. Une conférence également au lieu de Monty Cantin. Et c'est aussi le 5e anniversaire de la galerie Ni vu ni cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré. À partir de 17h. Et enfin, c'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition Art papier présentée à la galerie L'Artigeau sur Saint-Vallier, un commissariat de Fanny Hénon-Lévy et Aristide Gagnon, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Je profiterai de ces dernières petites secondes d'émission pour remercier nos invités, évidemment. Oui, nous invités du jour. Merci à Thierry et à Olivier et nos collaborateurs de la saison. D'abord, je pense que notre premier merci va à... Bien sûr, à Jacques Gignac, qui est notre, comme j'aime bien l'appeler, notre magicien des ondes, qui est là à toutes les semaines depuis septembre. Merci beaucoup, beaucoup, Jacques, parce que sans toi, on n'aurait pas la belle émission, là, oui. Vraiment, et on n'aurait pas aussi tous nos invités au téléphone. C'est tout plein de gestion dont on n'a pas à faire pendant l'émission. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à Louane Bourdeau et Annie Charland-Thibaudeau. Andréane Gagnon, Fanny Hénon-Lévy. Gros merci également à Andréane Lessard et Sophie Lessard, la tendresse. Simon Roy pour la sélection audio à toutes les semaines, Marc-Claire Tremblay et Julien Saint-Georges. Et nous cédons le micro à Pierre Blais et son émission Situation critique. Bien sûr, donc merci aussi à tous les auditeurs d'avoir été avec nous à chaque semaine. Oui. On espère que vous avez pu découvrir les arts visuels pendant toute cette saison-là et bien sûr, j'imagine qu'on aura le plaisir d'être de retour à l'automne prochain, donc dès septembre prochain. Ça va nous faire plaisir d'être là pour une autre saison de l'aérospatiale. Passez un bel été, Audrey. Bon été, Gentiane. Bon été à vous, chers auditeurs. Bon été, Jacques. Bye-bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. CKRL. À Québec. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Carrefour international de théâtre? À ne pas manquer sur la fabrique culturelle, Marie Gignac, la directrice artistique du Carrefour international de théâtre, relève le défi de présenter une partie de la programmation à des gens croisés au hasard dans un lieu public. Est-ce que c'est juste des spectacles comme québécois ou bien vraiment international? La moitié de la programmation vient de l'étranger. Intéressant, ça. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Ben quoi, la fille de qui? La fille de toi? T'as fait quoi? Ben fait quoi? J'ai une fille, moi.